Nous voici de retour, chers amis auditeurs de Mochis. Y esta noche tenemos una sorpresa para nuestros amigos Radio Escuchas. La persona que se comunique a nuestra línea telefónica 818-2025, le voy a regalar un disco de música de Nana Mouskouri. Marca en el transcurso de ese programa y llévate este regalo del tren de la música. Muchas gracias. Sigamos. Vous étiez averti, ce programme se surpassera avec Nana. Elle est belle ce soir à bord du train de la musique. Et que va-t-elle nous chanter maintenant? Allons voir. Oui, quand tu chantes, ça va. Ben, ce sera la prochaine musique de Nana Mouskouri. Quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. À l'instant du réveil, pour des joies futiles, Pour la pluie, le soleil, et pour l'impossible, Il y a des matins plus mélancoliques, T'en fais pas trop pour la République, il faut laisser passer la musique. Quand tu chantes, mais quand tu as besoin d'être bercé comme un enfant, nous dit Nana, il faut lui demander. Elle va nous dire le secret. Parle-moi, j'ai besoin de tendresse. Il ne m'en reste plus beaucoup dans ce monde un peu fou. On m'en veut, on m'envie parce que je suis comme une enfant. Parle-moi doucement et longtemps. Le titre de la chanson, c'est « Parle-moi, parle-moi ». Parle-moi, le silence me fait peur. Je n'entends plus que mon cœur. T'en vas pas, bouge pas. Je suis comme un enfant. Parle-moi, parle-moi. C'est toi qui me défends. Siècle de toujours, mal d'amitié, mal d'amour. M'en veux pas, ne ris pas, je suis femme et enfant. Parle-moi, parle-moi, c'est toi seul que j'entends. M'en veux pas. Je suis femme et enfant. Parle-moi, parle-moi. Dis les mots que j'attends. Avez-vous reçu la tendresse voulue? Car Nana nous a dit comment il faut faire pour l'avoir. Demandez à ce qu'on nous parle doucement, avec tendresse, gentiment et avec amour. Et après avoir reçu tant d'amour et de tendresse, on va jouir du plaisir de cet amour. Car Nana se mettra avec John Baez à la guitare pour nous chanter « Plaisir d'amour ». Tant de tendresse et d'amour, nous allons écouter maintenant Amazing Grace, qu'elle va nous interpréter toujours avec brio. Oh.

Après Ne me quitte pas, avec Aznavour, Sardou, Beko, Mireille Mathieu, Yves Duteil. Ce soin à Nana pour chanter en chœur Arménie. Écoutons-les. Et tout de suite après Arménie, elle enchaînera avec sa fameuse version que tout le monde connaît, Liberté. Quand tu chantes, je chante. Toute bonne chose arrive à une fin. Et c'est la fin de notre programme de ce soir. N'oubliez pas de nous appeler au 818-2025 pour recevoir votre copie CD de Nana Mouskouri avec la musique que vous venez d'écouter à ce programme et encore plus en MP3. Je regrette, mais je dois partir. Mais non sans peine, car je vous dirai que je le fais avec le cœur gros. Au micro, votre animateur Daniel Fouché qui vous salue et qui vous dit bonsoir, bon dimanche et vous attend dimanche prochain sur la même longueur d'onde, la 820 AM, la radio de l'Université de l'Occident, la meilleure du nord de Sinaloa. Bonne nuit, bonsoir, bon dimanche. Was mich hier hält, diese Stadt, die mir nicht gefällt, ist so am Vous venez d'écouter notre programme Le Train de la Musique, qui vous a été présenté par Daniel Fouché. Soyez avec nous dimanche prochain pour un programme similaire. Bonsoir et à dimanche.